à toute route boy et toute route girl qui prend crack. So I be impossible il chat en laisse ça. Ma rose était en frère, qui était vraiment très bien. Ma demande frère à la pâte et ma tchè ailleurs. Quand tout John en Martinique qui était quand même une belle la vie. 18 ans, il est là, il pas jamais fait faire connerie. Tout ça commence, il a décidé de déménager. Changer adresse et aussi changer lycée. A dans l'autre quartier, y'a ses cocaïnes qui n'a pas les mains. Quand qui était très couillé, il décidait aller goûter. Depuis juste à la mort, quand c'était en drogué. Oui, depuis juste à la, il mettait quoi qu'à sniffer. Maman était qu'à parler, ben il était qu'à voyer aller chez malheureuse. Là, t'es qu'à souffrir tous les jours, il était qu'à pleurer. Changer les bons moments, là, il était fini à coucher. Tous les jours, il était qu'à penser pour te faire désintoxiquer. Mais malheureusement, maman, maman, qu'on pas tenu les moyens. Et il était sans que la vie, il n'y pas tenu. Si yo tombé en ça, mauvais ami aussi qui fait si yo prie en sa zone ni pour. Parlez bah yo mandou wek bah yo force là. Parlez bah yo mandou wek bah yo force là. Alors, coûte yo, aide yo, aime yo. Ça bien belle dit parler en go yo sans comprendre yo. Parce que mon matinique comprendre que ish yo toujours sauvé. Que aïe a dans la vie ta là, pas pour river. Yo bien trop nélivé et trop bien entouré. Pour yo pe sa divini de même dédrogué. Alors pas critiquer. Qui jamais malheureusement tombé par son jour ou par sa psy Ishua qui rive les autres nibou. Parlez bah yo m'en du wek bah yo force là. Parlez bah yo m'en du wek bah yo force là. Quelques mois ont passé et rien n'a changé. Je te dis que mon co oh oui a persévéré. Persévérer dans l'insouciance et aussi dans l'ignorance. Tout le monde se demandait est-ce qu'il avait une autre chance. Ce soir il a été ce dimanche hospitalisé à cause d'une overdose qu'il n'a pas pu contrôler. Arrivé à l'hôpital, quel triste. Comme un morceau de bois, couvert de drap blanc, les yeux dans le néant. Maman, ma commande où elle commençait qu'à pleurer. Pleurer, il était qu'à pleurer, battre sa vie ailleurs. Quand j'ai dit bon l'homme l'enfer, mais le lendemain matin. Crac la, café, y'a ouais, diabla. Et là, y'a ouais, diabla, y'a qu'à péter Kaila. Crac la, café, y'a ouais, diabla. Chaque l'homme monnaie, on y sait, il est qui a récolté. C'est l'homme.